Horace, quand il comprend qu'on a enlevé Agnès, se lamente. Et de plus, son père revient et a déjà choisi pour lui une fiancée. Mais cette promise n'est autre qu'Agnès, fille d'un ami du père d'Horace, parti en Amérique, après avoir confié Agnès à celle chez qui Arnolphe l'avait trouvée. L'ex-tuteur est effondré et Chrysalde lui avoue. Si notre point cocu vous semble un si grand bien, ne vous point marier, en est le vrai moyen. Et Chrysalde conclut la comédie, et rendons grâce au ciel, qui fait tout pour le mieux.